10, 24, activation orale, connaissance, savoir et connaître. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Est-ce que tu trouves le prof d'histoire sympathique? Vous répondez. Je ne sais pas, je ne le connais pas. Allons-y. 2. Est-ce que Mireille trouve le prof d'histoire sympathique? Elle ne sait pas. Elle ne le connaît pas. 3. Est-ce que Robert et Mireille trouvent le prof d'histoire sympathique? Ils ne savent pas. Ils ne le connaissent pas. 4. Est-ce que vous trouvez le prof d'histoire sympathique, vous deux? Nous ne savons pas. Nous ne le connaissons pas. 5. Est-ce que Robert trouve le prof d'histoire sympathique? Il ne sait pas. Il ne le connaît pas. 6. Et toi, est-ce que tu trouves le prof d'histoire sympathique? Je ne sais pas. Je ne le connais pas.